son de verre. Un souffle brise tout l'univers. Radis qu'il marche, bloc d'acier. Un nom gravé que rien ne peut plier. Chaque mensonge tombe comme une pierre. Vos voix s'écrasent dans la poussière. Idole le creuse, trône sans base. Vous brûlez vite, je reste en face. Moi je porte l'acier dans mes veines. Chaque mot frappe, chaque ligne entraîne. Radis qu'il lourd, franc et brutal. Un feu qui règne, un cri loyal. Penser, des ombres vides, vite consommées. Chaque regard se perd dans vos chaînes. Mais vos mirages ne laissent que peine. Moi je marche froid, droit et réel. Mon nom résonne, poids éternel. Rien de ce qu'il vit, dur et précis. Un bloc vivant au cœur de la nuit. Iron Man. Forge dans vos tempêtes, un roc debout, une voix honnête. Chaque mensonge me fortifie à l'aise. Ride est-ce qu'il marche, bloc éternel. Un nom d'acier, un souffle réel.